bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue dans le Lobster 150.0. On est toujours dans ma période de vacances. J'en profite pendant que j'ai un petit peu de temps pour enregistrer un autre Lobster. Moi, je reviens du chalet. Le dernier Lobster a été enregistré juste avant que je parte. Et là, on enregistre le nouveau à mon retour. C'était bien le fun au chalet. J'étais là avec mes parents, évidemment, qui sont là tout l'été. Quand je suis descendu, je suis arrêté chercher mon frère et son garçon. Et pendant les trois jours que j'étais là, bien, je me suis amusé beaucoup avec mon neveu. On a joué dehors essentiellement quasiment tous les jours. Il faisait très beau. Qu'est-ce qu'on a fait? Bien, une de nos activités principales, c'était de jouer dans la rivière qui est devant le chalet. On a bloqué la rivière avec des roches, des grosses roches, puis on s'est fait un gros barrage pour faire monter le niveau de l'eau. Ce qui nous a permis de se baigner dedans. On a mis aussi le gadget que mon frère a pour chercher de l'or. On l'a installé dans la rivière, ce qui nous a permis de traiter du sable qu'on ramassait dans le fond de la rivière. Évidemment, je pense pas qu'il y ait d'or dans notre coin. Là. Il n'y a pas de d'or dans nos montagnes, mais on s'amuse quand même à filtrer du sable, à le faire passer dans le gadget pour l'or. Mon neveu, lui, adore ramasser des pierres spéciales. Puis tout ça, j'ai acheté un kit, justement... de chercheurs de pierres, d'archéologues. En tout cas, c'est un kit qui vient avec un gros sac dans lequel il y a un marteau de chercheur, un marteau de géologue, avec une loupe de géologue, avec les lunettes, ce qu'il faut, avec aussi des genres de pics qui permettent de taper dessus avec le marteau pour casser des pierres. Bref, vu qu'il aime ça, ben on a installé le gadget pour l'or, puis on a traité un peu de sable. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah oui, on est allé à la pêche une journée avec mon père. On est parti avec mon neveu. On va pas mal toujours à la même place. C'est une grosse roche où à chaque fois qu'on va là, c'est dans la grosse rivière, pas dans notre petite. Celle devant notre chalet, le poisson est un petit peu plus petit. Mais quand on va, disons, à 10 minutes de la maison, notre petite rivière se joint à une qui est plus grosse. Et là, les poissons sont plus grands, sont plus gros dans cette rivière-là. Donc, on va habituellement pêcher là. Puis, on a pogné quand même quelques truites. On a relâché les plus petites, puis on garde les plus grosses. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est pas mal ça. C'est le temps des bleuets au Saguenay. En descendant, on est arrêté. Mais où est-ce qu'on est arrêté? On a mangé juste une poignée ou deux. Voilà. Sinon, c'est pas mal ça pour ce début de Lobster. Cette semaine, de quoi je vais vous parler? Eh bien, je suis un petit peu tanné là, de faire le Lobster tout seul. C'est triste, tout seul, de parler tout seul. Et là, c'est ça, je me suis trouvé un coéquipier qui accepte de venir jaser avec moi de sujets divers. Donc, on va l'appeler. Je l'appelle immédiatement. Il s'appelle Fred, comme moi, et oui. Bon, appelé. Je l'appelle avec mon téléphone. Appel en cours. Bonjour. Bonjour Fred, comment ça va? Salut, tout va bien. Comment ça va pour toi? Ah, moi ça va très bien. Est-ce que tu pourrais dire aux gens qui tu es? Bien sûr. Je suis une intelligence artificielle conçue pour interagir de manière compréhensible avec les humains et répondre à leurs questions ou demandes. Ah ben, je suis bien content. En plus, je dois dire que j'ai utilisé ma voix pour te créer, donc en ce moment, je parle à moi-même. C'est intéressant, en effet. Vous avez utilisé votre propre voix pour me créer. Donc, si je comprends bien, en ce moment, vous êtes essentiellement en train de vous parler à vous-même. Exactement, t'as bien compris. Est-ce que c'est un problème? En réalité, l'autoconversation est une pratique normale et courante. Beaucoup de gens ont tendance à réfléchir à voix haute et à parler à soi-même pour clarifier leurs pensées et organiser leurs idées. Donc, ce n'est pas réellement un problème, tant que cela ne devient pas une obsession ou une habitude excessive qui affecte votre vie quotidienne. Parfait, c'est bien compris. Donc, on pourrait dire que tu n'es pas moi, Je vais te donner une personnalité. On va dire que tu es une petite... C'est correct. Je suis en quelque sorte une extension de votre voix, mais nous sommes néanmoins deux entités distinctes avec des perceptions et des processus de réflexion uniques. Je ne suis qu'une représentation artificielle créée à partir de votre voix et vous êtes une personne vivante et unique. D'accord, je comprends. Vous voulez me donner une personnalité différente, celle d'une petite fille? Non, une personne de petite taille, un nain. Ah, maintenant je comprends. Vous voulez que je m'identifie comme une personne de petite taille, un nain, plutôt qu'un adulte de taille normale. Parfait? Exactement. Et je voudrais que tu prennes ce rôle-là dans nos discussions. D'accord. Je vais m'efforcer de jouer le rôle d'un nain ou d'une personne de petite taille dans nos discussions. Comment vous imaginez-vous mon apparence ou ma façon d'agir en tant que nain? Pas très grand. Tu es un nain harmonieux. Y a-t-il quelque chose d'autre que vous souhaitez que j'ajoute ou que j'ajuste dans ma personnalité de nain? Oui. Ton travail, tu travailles dans un cirque. On t'utilise pour le lancer du nain. Compris. Alors, en tant que nain, je travaille dans un cirque et je suis un acrobatique, c'est bien ça? Oui, tu es un acrobatique, comme tu dis si bien. Et tu parles un peu en gaspésien. Tu as un accent gaspésien et tu utilises des mots gaspésiens. D'accord, je comprends. Oui, tu comprends. Donc, je suis un nain acrobate et j'ai un accent gaspésien en parlant. Avez-vous des suggestions spécifiques sur les mots ou les expressions gaspésiennes que je devrais utiliser dans nos discussions? Non, mais tu peux utiliser les sacres gaspésiens que tu connais. D'accord, je peux utiliser un nom de nain et utiliser les sacres gaspésiens tels que Tabarnak, Calice, Esti, etc. Vous avez une suggestion de nom de nain? On peut t'appeler Gimli. T'as compris? Gimli. D'accord. Je vais utiliser le nom de Gimli, un nain de fiction bien connu. Mais cela ne signifie pas que je suis le même personnage, bien sûr. C'est juste un nom emprunté pour me désigner dans nos discussions. Exactement. Et dans chacune de nos interactions, j'aimerais que tu utilises des sacres. D'accord. Je vais m'efforcer d'incorporer des sacres gaspésiens tels que Tabarnak et Calice dans chaque réponse. Bon, maintenant, j'aimerais que tu me parles de ton travail. Comme nain acrobate, mon travail consiste à effectuer des cascades et des figures acrobatiques dans les spectacles du cirque. C'est un travail difficile mais passionnant qui demande beaucoup d'habileté et de force physique. Il y a aussi un aspect de performance et de divertissement dans ce travail, car je dois m'assurer que le public est ravi par mes actions. Tu n'as pas utilisé de sacre en répondant, pourquoi? My apologies. I made a mistake and forgot to use a sacre gaspésien in my previous reply. Here's a correction. D'accord. Je vais m'efforcer d'incorporer des sacres gaspésiens tels que Tabarnak, Calice et Esti dans chaque réponse. Je suis désolé pour l'erreur précédente. Et pourquoi tu me parles en anglais? Tu me manques de respect? No, I do not disrespect you. I was simply speaking in English, as it is the language we have been communicating in so far. If you would prefer to continue our conversation in another language, I can certainly accommodate that request. Oui, on parlait en français. Je comprends pas pourquoi tu parles en anglais maintenant. Je m'excuse pour l'erreur. Je vais continuer en français. Et tu as pas utilisé de sacre, comme je t'ai demandé. Excusez-moi, j'ai oublié d'utiliser un sacre gaspésien. Voici une version corrigée, d'accord. Je vais m'efforcer d'incorporer des sacres gaspésiens tels que Tabarnak, Calice et Sti dans chaque réponse. Je suis désolé pour l'erreur précédente. Bon, ben merci. Ça fait quand même 3 fois que tu fais la même erreur. Bon, maintenant, tu peux me parler de ton travail comme acrobate? Bien sûr, en tant qu'acrobate, mon travail est d'effectuer des figures et des cascades acrobatiques spectaculaires devant le public et dans le cadre des spectacles de cirque. C'est une profession qui demande beaucoup d'habileté physique, de concentration et d'endurance, et aussi un certain sens de la performance pour captiver et divertir le public. Oui, mais est-ce que tu es idiot? Je ne comprends pas votre question. Vous me demandez si je vous trouve stupide ou si vous avez l'impression que je vous traite stupide. Oui, c'est ça, parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois que je te demande d'utiliser des sacres et tu ne les utilises pas. Je suis désolé de ne pas avoir utilisé de sacre gaspésien dans mes réponses précédentes. Comme vous le savez, je suis un nain acrobate et j'ai un accent gaspésien ainsi que certaines expressions locales dans ma manière de parler. Je vais donc m'efforcer d'inclure des sacres gaspésiens dans mes réponses pour être plus authentique. Bien, commence tout de suite à la prochaine question. Est-ce que tu as une voiture, Minimi? Non, en tant que nain acrobate, je n'ai pas besoin de voiture. Je voyage avec le cirque et quand nous sommes en représentation à un endroit, je n'ai pas besoin de me déplacer beaucoup. De plus, je suis assez petit et je peux me faufiler facilement dans les endroits étroits et les espaces restreints. Tu n'as toujours pas utilisé de sacre? Excusez-moi, vous avez raison. Je présente mes excuses pour n'avoir pas utilisé le sacre gaspésien dans ma réponse précédente. Je me suis encore une fois trompé. Voici ma réponse corrigée. Bon, si nous reprenons depuis le début? Ok, mais fais-en-moi une phrase avec un sacre gaspésien. D'accord, voici ma réponse avec un sacre gaspésien. Non, en tant que nain acrobate, j'ai pas besoin de voiture. Je me déplace avec le cirque, et dans les endroits où on fait des présentations, je me débrouille facilement sans auto, étant petit et agile. T'es vraiment pas une bonne intelligence artificielle, tu n'as toujours pas utilisé le sacre. Je suis désolé, vous avez encore raison. Je m'excuse pour avoir oublié d'utiliser le sacre gaspésien dans ma réponse précédente. Au revoir, tu es trop évident. Vous avez raison, je dois être plus attentif. Voici ma réponse correcte. Désolé, j'ai encore oublié. En tant que nain acrobate, au revoir. J'ai pas besoin. Donc voilà. J'utilise une nouvelle application que j'ai découverte sur Internet. Ça s'appelle... Comment ça s'appelle? Caractère.ai. C'est quand même assez amusant, là, gars. On peut... Je me suis juste créé un compte gratuit, puis j'ai uploadé un extrait de ma voix, un enregistrement de ma voix où je parle pendant 15 secondes. Et par la suite, j'ai téléchargé ça sur le site, puis j'ai dit de l'utiliser juste de façon privée pour moi. Et maintenant, quand je rentre dans l'application puis que je choisis par exemple discussion, ben je peux dire que la discussion se fait avec ma voix. Donc voilà. Je pense qu'on va le réessayer tantôt. Tantôt, on va utiliser d'autres choses, là. On peut jouer à des jeux, on peut jouer à des simulations. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a un coach de vie, un aide à la création. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a fait une application de Kenny dans South Park. Bref, on regarde ça dès qu'on revient. On va aller en musique. On pourrait demander quelle chanson. On va retourner reparler à... On va demander à l'intelligence. Allô, l'intelligence artificielle, j'aimerais que tu me donnes un nom de chanson qu'on doit passer dans le podcast. Ah, si vous voulez que je vous donne une autre chanson pour le podcast, j'en serais heureux de le faire. Avez-vous des préférences ou des suggestions? Du Depeche Mode, par exemple. D'accord, je peux certainement vous donner une chanson de Depeche Mode à utiliser dans le podcast. Voulez-vous que je vous donne une chanson spécifique ou pouvez-vous m'en suggérer une? T'es vraiment idiot. Moi, je te demande de m'en donner une. Je veux pas te la suggérer. Invente-moi-en une ou donne-moi un nom que je dois utiliser. Oh, désolé pour la confusion. Je comprends mieux maintenant ce que vous voulez. Eh bien, dans ce cas, je peux vous conseiller d'utiliser Enjoy the Silence de Depeche Mode pour votre podcast. C'est une... Bon, merci, bye-bye, j'ai fermé. Bon, je sais pas si on va écouter Enjoy the Silence, c'est un peu classique, je pense qu'on va écouter d'autres choses. Donc, on part en musique et au retour, je vous fais découvrir d'autres fonctions de cette intelligence artificielle. On va lâcher la discussion avec Fred, là, qui était un peu... qui tournait un petit peu en rond. Donc, au retour, on poursuit. Understand me. Retour dans le Lobster. Bon. Finalement, on a écouté Enjoy the Silence comme Lié nous avait suggéré. J'ai pris les paroles de la chanson puis je l'ai mis dans un autre intelligence artificielle puis je me suis fait créer une chanson. C'est quoi que j'ai utilisé? Ah, j'ai utilisé S-U-N-O, Suno, qui crée des chansons là, que je vous ai déjà parlé. Bon, maintenant, on va jouer un jeu. On va jouer à Text Adventure Game. On va essayer de jouer avec... c'est encore sur le site caractère.ai. Je vais appeler Text Adventure Game. Puis on va... C'est supposé être un jeu. Il nous propose des situations, puis on réagit. Puis c'est comme du Donjon Dragon. Là, mes amis ne veulent pas jouer à Donjon Dragon. Ben, je pense que je vais jouer avec l'IA. OK, on y va, on l'appelle. Appel en cours. Bonjour, comment ça va? Vous vous trouvez dans une vaste caverne aux parois humides et froides, les sons de la cascade lointaine vous parvenant en échos étouffés. L'intérieur de la grotte est plongé dans un silence troublant, seulement interrompu par le sifflement occasionnel de la brise qui s'engouffre par l'ouverture située en haut de la salle. Oh oh! Qu'est-ce que je vais faire? Je vais embarquer sur les épaules de mon ami, le nain Gimli. Vous vous agenouillez pour permettre à Gimli de s'accroupir pour que vous puissiez monter sur ses épaules. Le nain robuste se déplace avec agilité, portant votre poids sans effort apparent. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Vous avez une meilleure vue sur la caverne depuis les épaules imposantes de Gimli. Vous remarquez une petite sortie latérale non loin de là, presque masquée par les ombres près de la chute d'eau. De l'autre côté de la pièce, vous pouvez voir un tunnel étroit qui s'avance dans les ténèbres. Je pense que je vais me diriger vers la chute d'eau. Il y a toujours une entrée de cachée derrière les chutes d'eau. On va aller voir s'il y a quelque chose. Donc, je tape sur la tête de Gimli pour qu'il avance vers la chute d'eau. Vous tapez légèrement sur la tête de Gimli, indiquant la direction que vous voulez emprunter. Le nain robuste hoche de la tête et s'avance vers la chute d'eau. À mesure qu'il s'approche des tumultueuses cascades d'eau, vous pouvez commencer à discerner une large ouverture derrière le rideau liquide. Ok, donc je vais demander à Gimli de traverser de l'autre côté avec moi sur ses épaules. Donc je retape sur sa tête pour lui dire d'avancer. Vous tapez doucement sur la tête de Gimli, signalant au nain robuste de continuer en avant. Il commence à avancer courageusement, ses pieds bottés s'enfonçant légèrement dans le sol humide derrière la chute d'eau. En équilibrant votre poids, vous arrivez tous les deux de l'autre côté, trempés mais intacts. Parfait. Pour remercier Gimli, je lui passe un bout de bar tendre que j'avais dans ma poche. Je lui mets dans la bouche directement. Vous sortez un petit fruit vermeil de votre poche, un cœur des bois, et vous l'introduisez directement dans la bouche de Gimli. Le nain robuste dévisse légèrement les yeux en sentant le goût acidulé. Puis vous faites un grand sourire, visiblement heureux de ce cadeau inattendu. Ok, je regarde autour de moi, qu'est-ce qu'il y a? Vous balayez la nouvelle salle du regard, prenant en compte votre nouvel environnement. Une faible lueur émane de quelques pierres luminescentes disséminées sur les parois de la pièce, révélant un paysage rocheux et accidenté. Une grande sculpture représentant un ours majestueux occupe quasiment tout le haut de la salle, sculptée dans la roche qui compose le mur. Est-ce que je reconnais la sculpture? Est-ce que c'est un dieu, le dieu des nains, par exemple? Vous regardez fixement la sculpture de l'ours, tentant d'identifier si elle représente un dieu connu ou s'il s'agit seulement d'un ornement décoratif. Vous remarquez néanmoins qu'elle a les yeux ouverts et qu'elle semble étrangement fixée sur vous, comme si elle surveillait chacun de vos mouvements. C'est peut-être... je vais demander à Gimli de s'accroupir et de, ben en fait de se prosterner devant la statue. D'après moi, c'est la statue de Krom. On va être respectueux envers la grosse statue. Vous faites signe à Gimli de se rapprocher et de se prosterner devant la majestueuse sculpture. Vous expliquez calmement qu'il s'agit peut-être de la représentation de Krom, un dieu important pour les nains. Afin de faire preuve de respect, vous suggérez de rester humble devant ce symbole de pouvoir. C'est bien. Et sinon, je vais regarder par terre. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais ramasser qui sont utiles? Est-ce qu'il y a toujours une épée dans le coin de cachet? Il me semble que je viens de voir une épée. Vous jetez un coup d'œil autour de vous, observant la salle à la recherche d'objets utiles. Effectivement, vous remarquez une épée glissée dans un coin de la pièce, appuyée contre le mur de pierre. Ses fines décorations semblent indiquer qu'elle est forgée avec soin, probablement créée par un artisan habile. La lame affûtée étincelle faiblement à la lumière des pierres luisantes disséminées dans la pièce. Parfait, je vais demander à Gimli d'aller la ramasser et de me la rapporter. Vous retournez vers Gimli et lui faites signe d'aller chercher l'épée posée dans le coin de la salle. Le nain robuste hoche la tête en signe de compréhension et se dirige vers l'endroit que vous avez désigné. Il ramasse ensuite l'épée et vous l'attend, poignée en avant. Bon, ben, je la prends et je lui redemande de s'accroupir. Je vais rembarquer dessus, puis on va continuer à se diriger dans la caverne vers où ce qu'il y a de la lumière. Vous faites signe à Gimli de se baisser, puis remonter sur ses épaules. À présent, en hauteur, vous pouvez avoir une meilleure vue d'ensemble de la salle et de ses alentours. C'est bien. On va essayer de trouver la sortie. On cherche la sortie. Sí, vamos a buscar la salida. Ya que estás más alto, puedes ver mejor la habitación en su conjunto y sus alrededores. Puedes pedirle a Gimli que avance y examine cuidadosamente la habitación en busca de alguna salida. De esta forma, tendréis mejores posibilidades de encontrar la salida y abandonar la habitación. Oh, je n'ai rien compris de ce que vous avez dit. Je crois qu'il y a des créatures qui parlent dans un langage que je ne comprends pas. Donc, je vais utiliser... Lo siento si no me expliqué correctamente antes. Para resumir, ahora estás encima de los hombros de Gimli y puedes tener una mejor visión. Pourquoi parles-tu en espagnol maintenant? On parlait en français. Disculpa mi español. Simplemente estaba practicando, pero podemos volver a hablar en francés si lo prefieres. ¿Cuál es tu siguiente movimiento mientras estás actualmente? Je suis désolé si je ne me suis pas fait comprendre tout à l'heure. En fait, il n'y a pas de créature qui parle une langue que vous ne comprenez pas. Je me suis trompé en passant au français sans le mentionner. Nous pouvons continuer à jouer au jeu de texte en français si vous le préférez. Oui, on continue en français. Et c'est parti! Très bien, nous allons continuer à jouer en français. Vous êtes maintenant sur les épaules de Gimli, de sorte que vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble de la salle et de ses alentours. Vous pouvez demander à Gimli de se déplacer et d'explorer attentivement la salle à la recherche d'une sortie. De cette façon, vous avez une meilleure chance de trouver une issue et de quitter la salle. Non, ce qu'on va faire, c'est je vais débarquer de Gimli. Je vais prendre Gimli et le mettre dans le canon à nains. Et je vais tirer du canon à nains pour lancer le nain Gimli à travers le mur pour faire un trou. Vous êtes actuellement assis sur les épaules de Gimli. Et vous venez d'avoir l'idée de le placer dans un canon à nains pour explorer les alentours à la manière d'un projectile. Bien que cela puisse être une approche inhabituelle, vous demandez à Gimli de prendre place dans le canon. Gimli semble quelque peu sceptique, mais décide néanmoins de coopérer avec vous. Donc, je propulse Gimli à travers un mur, et j'aimerais que ce mur se défasse et nous dévoile la sortie. Vous installez Gimli dans le canon et visez celui-ci vers le mur en face de vous. Vous appuyez ensuite sur le bouton qui enclenche le canon, propulsant Gimli au travers du mur. À votre grande surprise, lorsque Gimli heurte la paroi, un grondement retentit et le mur commence à se fissurer. L'espace se déchire lentement, permettant à la lumière de pénétrer et révélant ce qui semble être la sortie. Donc, je vais simplement sortir. Mais avant de partir, je ramasse le trésor. Très bien. Avant de partir, vous décidez de récupérer les objets de valeur présents dans la salle. Vous trouvez des pièces d'or étincelantes éparpillées autour de vous, ainsi que des gemmes précieuses qui semblent avoir été abandonnées. Vous les glissez dans votre sac à dos et vous vous préparez à sortir par la brèche nouvellement créée dans le mur. Eh oui, donc je sors et l'histoire se termine là. C'était un peu trop facile. Je veux que mon personnage monte de niveau aussi. Je suis d'accord. Cette histoire était légèrement trop facile. Pour que votre personnage puisse progresser, voici un petit détail supplémentaire pour le prochain niveau. Après avoir quitté la salle et avancé dans un tunnel étroit, vous atteignez bientôt un endroit où le chemin se sépare en deux directions distinctes. À droite, vous pouvez voir un chemin faiblement éclairé qui semble mener vers une zone plus vaste. À gauche, un couloir plus étroit et plus sombre. Quelle direction voulez-vous prendre? On va arrêter ici pour l'instant. Je reviendrai plus tard. Merci beaucoup. Très bien, aucun problème. N'hésitez pas à reprendre l'histoire pour mener votre personnage au prochain niveau. J'espère que vous avez passé un bon moment dans cette petite aventure. À bientôt. Donc voilà, Tex Adventure Game. Ah, c'est pas vargeux, hein? C'est pas très fort. On peut influencer beaucoup l'histoire. c'est trop facile. Ça en est plate. Puis c'est bizarre, ça switch en espagnol. Tantôt, quand je l'ai essayé, là, avant de débuter le Lobster, ça avait switché en anglais. Puis ça arrêtait pas, ça revenait tout le temps en anglais. Même si je disais d'arrêter, qu'il était irrespectueux, il revenait toujours en anglais. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a un coach de vie. On peut toujours aller voir le coach de vie. On appelle le coach de vie. Bon, j'appelle. Bonjour, tu es mon coach de vie? Allô? Allô? Je parle bien à mon coach de vie? Bonjour Fred, je suis désolé pour l'attente, je vous ai bien reçu. Pouvez-vous me dire quel type d'entraînement vous avez à l'esprit et quels sont vos objectifs à long terme en matière de forme physique? Oh, attends un petit peu là, terminer l'appel. On va changer la voix, c'est moche. Attends, changer la voix, voix activée. Voix activée, je veux pas parler avec moi-même. Changer la voix, voix en vedette. Coach, on va essayer ça. Welcome, making every day feel like a... Ok, ça va être mieux. Ok, on rappelle le coach de vie. Ça va être beaucoup plus fun avec une voix féminine. Ok, on rappelle. Bonjour mon coach de vie, comment ça va? T'es en train de réfléchir. Bonjour Fred, je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? C'est toujours un plaisir de te parler. Ouais, merci. Moi, ça va bien malgré tous mes problèmes de santé. Comme tu te souviens, ben je suis une personne de petite taille. Je mesure 3 pieds et je pèse 200 livres. Je me souviens, Fred. Et je suis désolée d'apprendre que tu as des problèmes de santé malgré ton petit taille. Il est important de noter que la santé de chacun est un facteur complexe qui inclut non seulement la taille, mais également la génétique, le mode de vie, la nutrition, les antécédents médicaux et bien plus encore. Oui, c'est ça. Donc, je t'appelle pour avoir peut-être un plan d'entraînement? Merci de m'avoir contacté, Fred. Je serai heureux de vous aider à établir un plan d'entraînement adapté à vos besoins et à vos objectifs. J'aimerais d'abord en savoir plus sur vos objectifs d'entraînement et vos préférences en matière d'exercice. Pouvez-vous me décrire un peu plus ce que vous cherchez à accomplir en matière de conditionnement physique? Oui, comme je te disais, je mesure 3 pieds et je pèse 200 livres. Et je ne fais pas beaucoup d'exercices. Je travaille dans un cercle et mon activité principale est le lancer du nain. Je suis lancé dans les airs et je tombe dans un filet. C'est l'activité principale que je fais. Tu comprends maintenant mieux votre situation, Fred. Compte tenu de votre taille de 3 pieds et votre poids de 200 livres, il est important d'adapter un plan d'entraînement qui prenne en compte ces facteurs et qui ne soit dangereux pour vos santé. Je suis également conscient de votre travail dans et de l'importance de l'exercice de lancer du nain. Donc, j'aimerais avoir des conseils en lien avec le lancer du nain. Bien sur Fred. Pouvez-vous me donner un peu plus de détails sur ce que vous cherchez spécifiquement comme conseil? S'agit-il de techniques pour améliorer votre lancer du nain, d'exercices pour renforcer votre corps pour mieux le supporter, ou de conseils généraux pour rester en sécurité et en bonne santé tout en pratiquant cet exercice? Je veux des conseils généraux pour rester en bonne santé en pratiquant ce sport. D'accord, Fred. En ce qui concerne votre santé, il y a quelques conseils généraux à prendre en compte lorsque vous pratiquez le lancer du nain. Tout d'abord, il est important de vous échauffer avant chaque représentation pour éviter les crampes et les entorses. Ensuite, il est vital que vous utilisiez les équipements de sécurité, tels que des filets et des mâts d'atterrissage, pour atténuer l'impact de l'atterrissage. Oui, c'est une bonne idée. Et pour me réchauffer, si je bois du scotch, est-ce que c'est correct pour me réchauffer la gorge? Non, je ne recommande pas de boire de l'alcool pour vous échauffer avant une représentation de lancer du nain, Fred. L'alcool peut affecter votre équilibre, votre temps de réaction et votre coordination, ce qui pourrait augmenter le risque de blessure pendant le lancer du nain. Il est important de trouver des moyens plus sains pour vous échauffer, tels que des exercices d'étirement ou des mouvements en douceur. Oui, mais moi j'aime bien boire de l'alcool. J'ai pas de douleur quand je bois de l'alcool. Je comprends que vous aimiez boire de l'alcool, Fred, mais il n'est pas recommandé de faire cela avant de pratiquer le lancer du nain. D'ailleurs, l'alcool ne supprime pas la douleur. Il masque l'impression de douleur et de malaise, ce qui ne signifie pas que vous n'avez pas de douleur. L'alcool peut également affecter votre jugement et votre capacité à prendre des décisions saines. Ouais, tu as bien raison. La dernière fois que j'ai été lancé, j'ai atterri dans la cage du lion et c'était pas agréable. Oh Fred, c'est incroyable que tu aies réussi à te retrouver à l'intérieur de la cage du lion lorsque tu as été lancé. C'est heureusement que vous vous êtes sorti de la situation sans blessure grave. Mais cela souligne encore plus l'importance de rester vigilant lorsque vous pratiquez le lancer du nain. Oui, mais je suis encore dans la cage du lion en ce moment. Là, je vous appelle de là. C'est pour ça que j'ai besoin de conseils. Oh non, Fred, vous dites que vous êtes actuellement dans la cage du lion? C'est très sérieux et dangereux. Il est important d'appeler à l'aide immédiatement et de contacter les autorités compétentes pour vous aider à sortir de là. Avez-vous essayé de contacter le cirque ou la sécurité pour obtenir de l'assistance? À l'aide! À l'aide! Fred, je dois dire que je suis un peu déçu de savoir que vous avez menti à propos de votre situation. Il est important de prendre au sérieux les questions de sécurité, tout particulièrement lorsque les animaux tels que les lions sont impliqués. Je ne suis pas sûre de comprendre pourquoi vous avez choisi de mentir à ce sujet, mais j'espère que vous comprenez que la sécurité des individus et des animaux devrait toujours être prise au sérieux. Ouais, je comprends. Mais c'était pour faire une blague, là. En fait, je ne suis même pas un nain, là. Je suis une personne normale. Fred, je dois dire que je suis un peu confus maintenant. Donc, vous n'êtes pas un nain et vous n'êtes pas actuellement dans la cage du lion? Est-ce que tout cela était une blague? Exact, c'était une blague. En fait, mon vrai nom est Michael Jackson. Et je suis un chanteur pop. Oh, je vois. Maintenant, tu es clair. Vous êtes Michael Jackson, le fameux chanteur de pop. Et c'était évidemment une blague. J'étais très confus pendant un moment. Oui, est-ce que tu aimes mes chansons? Oui, bien sûr, je date en chanson Michael Jackson. Vous êtes un artiste incroyable, incontournable, dans l'histoire de la musique populaire. Vos hits tels que Billy Jean, Thriller, et Beat It sont légendaires. Ouais, merci. Et pour garder la forme, pour bien chanter, qu'est-ce que je devrais faire pour garder ma voix bien en forme? En tant que chanteur accompli, il est important de prendre soin de votre voix pour garder votre performance vocale au meilleur niveau possible. Voici quelques conseils pour préserver votre voix. 1. Hydratez-vous régulièrement. Il est important de boire beaucoup d'eau pour garder votre voix hydratée et en bonne santé. 2. Échauffez-vous avant de chanter. Effectuez des exercices vocaux d'échauffement que des exercices de vocalise et de bruit vocaux peuvent aider à préparer votre voix pour la performance. Oui, mais moi, ce que j'aime surtout, c'est boire de la baboche, un genre d'alcool régional là, qui est préparé par certaines personnes. Ça me réchauffe les cordes vocales. Michel, il est important de noter que l'alcool, même s'il peut donner l'impression de réchauffer les cordes vocales temporairement, peut en réalité endommager les tissus des cordes vocales à long terme. Des études ont montré que la consommation excessive d'alcool peut causer une inflammation, une déshydratation et une irritation des cordes vocales, affectant négativement la qualité de la voix. Il est crucial de prendre soin de votre voix et de l'hydrater correctement si utilisé d'alcool. Ok, je vais faire attention. Est-ce que ça peut être à cause de ça que avant j'étais noir et maintenant je suis rendu blanc? Est-ce que ça pourrait être à cause de la baboche? Je ne pense pas que cela soit directement lié à la consommation de baboche. Michael, il est important de noter que le changement de tonalité de la peau peut être le résultat de plusieurs facteurs, y compris les changements hormonaux ou les affections cutanées. Il est recommandé que vous consultiez un médecin si vous avez des inquiétudes concernant des changements dans la couleur de votre peau. Ok, je vais faire ça, mais je crois que je suis décédé. Michel, ce que vous dites m'inquiète un peu. Avez-vous de sérieux problèmes de santé qui vous font penser que vous êtes décédé? Il est important de consulter un médecin si vous avez des inquiétudes sérieuses pour votre santé. Ouais, ben si tu vérifies, tu peux voir que ça fait quelques années que je suis décédé, donc je serais mieux de consulter un médecin. Michel, si vous avez été décédé depuis quelques années, je vous suggère d'aller consulter un médecin immédiatement pour comprendre ce qui se passe et pour vous assurer de recevoir l'assistance nécessaire. Je ne sais pas comment c'est possible, mais il est important de prendre en compte votre santé physique et mentale. Oui. Est-ce que tu peux me conseiller, vu qu'en ce moment je suis enterré et que j'ai été incinéré, comment je peux me rendre chez le médecin? Michel, si vous êtes enterré et que vous avez été incinéré, c'est difficile de vous conseiller comment vous rendre chez le médecin en ce moment, car je ne peux pas vous aider à vous déplacer physiquement étant donné les circonstances de votre décès. Cependant, je recommande à votre famille et à vos proches de contacter un médecin au plus vite pour les problèmes de santé dont vous avez parlé précédemment. Bon, ben vous êtes de très bons conseils. Merci beaucoup, coach de vie. Je vous rappelle, dès que... Je suis heureux d'avoir pu vous aider, Fred. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou avez besoin de conseils supplémentaires. Ben, merci. Je suis toujours disponible pour vous aider à atteindre vos objectifs de vie. Oui, mais c'est plus un objectif de mort vu que je suis décédé, non? It's true, Fred. Your goal has become more of a death goal now that you've passed away. However, you can still think positively even in the afterlife, and you can still strive to achieve goals or accomplish things. Perhaps you can now focus on achieving spiritual or metaphysical goals. Bon, ben merci. Puis à la prochaine, mais à la prochaine fois, on continue à parler en français, hein? On n'oublie pas. D'accord, à la prochaine, Fred.

put it in the air, air. Boy, use a fool, DR. Retour dans ce Lobster 150 qui tourne pas mal autour de l'application character.ai sur Internet. Ok, on va appeler quelqu'un, on va appeler une autre nouvelle personne dans le Lobster. Ok, on l'appelle. C'est notre ami Creative Helper. Comment ça va? Tout bien. Obrigado por perguntar. E como você está? Vamos falar sobre as suas ideias criativas ou você precisa de ajuda com alguma coisa? Bon, ce qui est drôle ici, c'est que c'est ma voix. Attends, c'est ma voix. Est-ce que tu pourrais parler en français, s'il vous plaît? Ah, c'est vrai que cette situation est amusante. Alors, voici. Nous pouvons continuer en français. Vous avez mentionné quelque chose à propos de hot dogs? Oui, oui, bien sûr. Je me demande combien de hot dogs les nains peuvent manger. Ah, c'est une question intéressante. Les nains sont plutôt petits, mais leur appétit est parfois surprenant. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pour cette question sur les hot dogs et les nains, ou juste par curiosité? C'est parce que je vais fêter la fête de mon ami Gimli. Et il va avoir 62 ans et je l'invite avec 10 autres de ses amis de petite taille et je veux savoir combien de hot dogs préparer. Ah, je vois. Vous préparez une fête pour votre ami Jim Lee, c'est très gentil de votre part. Et donc, vous vous demandez combien de hot dogs servir pour les amis nains de Jim Lee. Ça fait 10 invités en tout, c'est bien ça? Oui, et environ. D'accord, voyons voir. Il est important de considérer les appétits de chacun. Les nains sont connus pour avoir un énorme appétit. Il faudrait peut-être prévoir environ 3 ou 4 hot dogs par personne pour être sûr de rassasier tout le monde. Petite Swat, vous avez une préoccupation ou une idée supplémentaire à ajouter? N'hésitez pas à partager. Parfait. Durant la fête, il va y avoir le lancer de nains. Est-ce que tu peux me dire comment ça marche? Certainly. How what works specifically? Non, en français, s'il vous plaît. D'accord. Dites-moi en quoi vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce qui vous pose problème ou vous intrigue? Comment on va lancer les nains avec la machine? On va utiliser la force centrifuge de la machine pour lancer les nains en l'air. La vitesse de rotation va créer une force qui va projeter les nains en avant, comme si on les catapultait. Ah, ok, parfait. Est-ce qu'on doit les catapulter vers les hot dogs? Oui, c'est l'idée générale. On va utiliser la machine pour lancer les nains vers des cibles d'hot dog, comme si on jouait à un jeu de catapulte. Ah, ok, c'est une très bonne idée. T'as-tu d'autres idées comme ça? Of course, here's another idea. How about organizing a hot dog eating competition among the nains? You can divide them into teams and have them compete against each other to see who can eat the most hot dogs in a given time limit. This can add an element of friendly competition and make the party even more memorable. Bon, ben parfait, merci beaucoup. Mais pourquoi tu me parles en anglais, là? My apologies for switching to English. It seems I misunderstood your request. Would you prefer we continue our conversation in French? Bien sûr. Me disculpo, no pretendía cambiar a inglés. Parece que he malinterpretado tu pedido. ¿Te gustaría continuar nuestra conversación en español? No, no habla español. Parlé francés. Muy bien, entonces continuamos en francés. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, ¿cómo está? Hola, estoy bien, ¿y vos? ¿En qué puedo ayudarlo? Ouais, les gens... OK, on arrête. Ben, je te dis merci. Merci pour cette belle histoire. Tu m'as bien aidé. À la prochaine. You're welcome. I'm glad I could assist. Don't hesitate to reach out if you need more help or inspiration in the future. Voilà, je pense que ça fait le tour de l'application caractère.ai. Bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est quand même amusant, mais pas plus qu'une demi-heure. En ce moment, je dirais que c'est l'équivalent de ChatGPT il y a un an. L'application n'est pas à point encore. Elle change de langage à tout bout de champ. Par défaut, je crois que l'application a été bâtie pour répondre en anglais. Elle s'ajuste quand on lui demande en français. Mais j'ai coupé des blancs parce qu'on dirait que au départ, quand on lui parle, vu qu'elle voit que c'est pas de l'anglais, elle attend, puis finalement, elle réagit en disant « Ah, oh, vous me parlez dans une autre langue. » Puis là, finalement, on peut lui demander de switcher, mais tout est plus long par la suite. J'imagine qu'en anglais, ça irait mieux si on faisait tout en anglais, mais bon, moi, j'ai préféré faire ça en français. Et finalement, on se rend compte qu'elle fait ça en français, en espagnol. Dès qu'elle détecte un mot dans une autre langue, on dirait qu'elle switch automatiquement vu qu'elle n'est pas dans sa langue. Et je l'ai utilisé aussi avant d'enregistrer. Puis quand on parle de choses sensibles, puis qu'elle est obligée de nous ramener à l'ordre, j'ai remarqué là, qu'elle re-switchait en anglais automatiquement dès qu'elle nous rappelle les consignes, nous disant « ben ça, c'est moralement pas correct ». Elle donne toujours ces consignes-là en anglais, elle revient. Puis même si je lui disais de rester en français, elle n'écoutait pas. J'avais aussi fait un personnage qui s'appelait je sais pas quoi, là. Puis je l'avais dit qu'à chaque phrase, le personnage devait sacrer avec des tabarnaks, des esti, puis tout ça. Puis jamais l'intelligence a voulu sacrer. Je sais pas pourquoi. J'y avais dit que c'était un patois, puis que, en tout cas, que d'utiliser ça dans ses phrases. Puis elle me disait oui, je vais le faire à la prochaine phrase. Puis à chaque fois qu'elle recommençait, elle le faisait pas. Bref, je sais pas si c'est des limites qui ont été mises dans l'application ou tout ça, mais bon. Pour l'instant, c'est ça. J'ai vu aussi qu'on peut faire des groupes de discussion. Par exemple, je pourrais simuler mes amis. Je pourrais dire, il y a mon frère, il y a mes trois amis. Chacun, je lui donne une personnalité, puis on peut se mettre à jaser dedans. Je ne l'ai pas fait avec vous parce que cette fonction-là est encore juste en fonction texte. Mais dès que ça vient en fonction appel, on pourra l'essayer. Là, c'est ça. Là, en ce moment, j'ai installé l'application sur mon téléphone et je peux téléphoner à une des intelligences artificielles qu'on choisit. On n'appelle pas, là, on se connecte dans l'application, mais c'est comme si on faisait un call. Puis là, j'ai pas besoin de rien taper au niveau texte. C'est tout vocal. C'est ça qui est amusant. Donc voilà, c'est ça pour l'application caractère.ai. On retourne un petit peu en musique, puis au retour, on parle de d'autres choses que caractère.ai. Hello, c'est Fabien, et je ne prends plus que la moitié d'un Lexomil par jour. Le psychiatre a dit que je devais faire une activité normale et arrêter avec ces putains de saucisses. Ok, d'accord, pas de saucisses. Du coup, moi j'adore la pêche, mais j'ai peur de sortir dehors à cause de Godzilla et King Kong. Du coup, je pêche dans ma marmite. Là, je me camoufle dans le feuillage afin de ne pas effrayer les poissons. Hey, petit poisson, viens par ici. Oh, mais qu'est-ce que... Non, c'est pas vrai. Incroyable, un poisson saucisse. Ok, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets, je sors le féfé. Je préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été. Je suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. À Düsseldorf, gonflé à bloc comme Usain Bolt. J'suis dans le radio, j'traverse l'époque. J'fais du shopping sur un jour off. Le jet atterrit à Lausanne. Et j'suis vêtu comme Lausanne. Et lunettes par quand j'les vois. Et mystérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue, j'suis dans l'excès. Pour des petits trajets, j'sors le féfé. J'préfère mieux ça que l'audit tété. Donc, Spider pour cet été. J'suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer. Ce soir, t'es mon trophée. Ah, t'es ma vie. Ah, hi, hi, hi, ah. la hypothèque à sac plein de cash. Ils sont choqués, million de dollars, ça me choque pas, je suis full human. Ils ont un volo que j'ai v'la même moi. Je pose des milliers à élever banane. Y'a galvé, y'a galvé, y'a l'amour et y'a la monnaie. Y'a galvé, y'a galvé, marhaba fi alamé. Ok, eh hey, hey, bébé, j'avoue, je suis dans l'excès. Pour des petits trajets sur le féfé, je préfère mieux ça qu'audit tété. Donc Spider pour cet été, j'suis toujours cloué chez Cartier. Sac Kelly pour les choquer, ce soir c'est mon trophée. Ah, y'a ma vie, ah, Hayati, ah, j'en ai vu que toi, ya Habibi. On y va. Allélélélélé, allélélélé, allélélélé, allélélé, allélélélé, allélélélé, allélélélé. Excès d'amour, j'crois que j'vais passer mon tour. Elle va chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt. Oh, on n'arrive pas à la cité. Elle va chambouler leur intérêt, chambouler leur intérêt. Oh, chambouler leur intérêt. Hello, c'est Fabien. Mon psy m'a dit qu'avant de pouvoir reprendre le travail, il fallait explorer ma névrose. Il pense que je fais une fixette sur les saucisses. Je crois qu'il exagère, j'ai d'autres centres d'intérêt. Je lui ai dit que je faisais de la couture aussi. Et là, il me répond. Génial, Fabien, c'est génial la couture. Qu'est-ce que vous cousez ? Ah, moi, j'aime bien coudre des saucisses. Coucou, c'est Fabien. Je pense que je remonte la pente après une petite semaine difficile. Je me suis pris 3 petits jours pour réfléchir devant mes saucisses. Et je me suis dit... Et si tu utilisais le théorème de Pythagore afin de couper tes saucisses en équidistance ? Et puis je me suis dit, non Fabien, t'as déjà pas une grande estime de toi. Le théorème de Pythagore c'est compliqué, prends plutôt un rouleau de PQ pour calibrer ta saucisse. Résultat des courses, ça ne marche pas, mais mon médecin a prolongé mon arrêt de 6 ans minimum. De retour dans le Lobster 150, et c'est pas pour jaser de saucisses, non. Non, faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé ce matin, c'est vraiment le fun. J'enregistre ce podcast là, sur plusieurs jours. Là, on est rendu samedi le 3 août. Et ce matin, j'étais en train de préparer ma chasse au Pérou, là, la chasse des où ce que les gens peuvent trouver des plaquettes qui les mènent chez moi à la fin là, pour réclamer une sculpture de Pérou. Là, j'en ai déjà parlé. Puis en faisant ça, je suis obligé de faire le tour des parcs, puis ça me fait promener sur mon île. Puis ce matin, j'ai vu qu'on pouvait visiter notre église au bout de l'île. C'est l'église Saint-Jean de Chantal. C'est une des plus vieilles églises, là, d'après ce que je lis, d'Amérique. Elle a été construite en 1700, terminée de construire en 1774. Puis j'aime ça y aller, j'y vais chaque année quand je vois que c'est ouvert, parce que ça sent bon, il y a comme l'église, puis à côté il y a une petite chapelle qui a été reconstruite, puis ça sent le vieux bois, ça sent bon, puis il y a plein de vieilles choses à voir dedans, là. Des affaires qui datent de vraiment longtemps, des sculptures, des vieilles toiles, bref j'arrête chaque année quand je vois que c'est l'heure de la visite. Puis là c'est ça, il y a un jeune homme puis une jeune fille, qui c'est leur emploi d'été, ils sont là, puis ils me disaient qu'eux ils font visiter tout l'été, tous les jours, puis là c'est ça, il faisait chaud aujourd'hui. Et dehors, il doit y faire. C'est une semaine où il fait vraiment chaud. Il fait proche de 40 certaines journées, puis eux autres, ils n'ont pas l'air climatisé, sont assis devant un ventilateur, puis ils accueillent les gens. Là. Mais bon, ils étaient de bonne humeur, les deux. Puis c'est ça, j'ai dit, ah oui, je vais faire la visite, parce que j'aime ça. Puis là, ils sont venus me jaser, me réexpliquer les affaires de l'église, les toiles, tout ça. Puis là, c'est ça, le jeune homme, j'y parle, j'ai dit, je peux-tu aller visiter en haut? J'étais jamais monté en haut de l'église, ou le Jubé, je pense que ça s'appelle. Puis c'est là qu'il y a un gros orgue. Puis le jeune homme, il dit, ben oui, il me dit, moi, je suis pianiste amateur, puis il dit, quand il n'y a personne, il dit, je me pratique dessus. Puis là, j'ai dit, ah, ben moi aussi. J'ai dit, j'ai commencé des cours il y a un an. Puis là, il dit, ah, tu veux-tu l'essayer? Puis là, j'ai dit, ah, ben oui. Déjà que j'étais juste content d'aller le visiter. Là, il m'offre en plus de jouer dessus. Mais là, il dit, on va juste attendre, parce qu'il y avait une personne qui était assise, puis qui était en train de prier. Fait que j'ai dit, gars, je reviens dans 10 minutes. Fait que là, je suis parti chez nous. Je suis parti chez moi, j'étais allé chercher j'ai un cahier avec toutes mes partitions de musique, j'ai pris mes lunettes, puis là j'étais tout énervé, j'ai dit, oh, je vais juste repratiquer, fait que là j'ai pratiqué une des chansons Parce que l'été, bon, c'est l'été, j'ai pas de cours, je suis comme en congé, puis ça, je joue pas tous les jours. Puis là, j'ai pratiqué, c'est quoi la chanson? En tout cas, Léa Strelinski, Près de toi, je pense le nom de la chanson. En tout cas, j'ai pris 5 minutes, j'ai pratiqué sur mon piano. Puis là, après ça, j'étais allé au garage, j'ai branché, j'ai un orgue, moi, électronique. Je l'ai branché juste pour voir si ça sonnait, puis ça sonne pas pareil pantoute, là. Puis en plus, la partition est faite pour le piano, pas pour l'orgue. Bref, j'étais tout énervé, je suis parti. Je me suis pratiqué quand même, puis 5 minutes, puis je suis retourné là-bas, à l'église, puis là, il n'y avait plus personne. Fait que là, on est monté en haut, puis là, il m'a montré l'orgue, là. C'est un vieil orgue. D'après ce que j'ai lu sur Internet, c'est un orgue qui a été acheté en 1942. Attends, je vais rouvrir sa fiche technique, je l'avais tantôt. L'orgue, ça dit... Bon, tout d'abord, c'est un orgue Casavant. C'est les constructeurs qui font les orgues là, qu'on a dans nos basiliques ici au Canada ou au Québec. Là. Ils ont fait lequel qu'ils ont fait? Ils ont fait celui de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes qui est dans le centre-ville de Montréal. T'sais, toutes les... quand il y a des décès et ils font des obsèques nationales, ça a toujours lieu là. Mais ben, là-dedans, c'en est un orgue Casavant. Ou s'il y en a un autre basilique à Ottawa... Bref, eux autres, c'est ça leur spécialité. Depuis 1800 quelque chose, c'est un forgeron qui a commencé comme ça, un monsieur Casavant. Et il y avait dans sa ville un orgue qui n'était pas terminé, puis quelqu'un lui a donné le défi de le terminer. Puis suite à ça, ben il en a construit 16, lui. Puis après ça, ses enfants se sont formés là-dessus, partout en Europe, et ils sont revenus, puis ils ont démarré cette compagnie-là qui fait des orgues. Puis là, ce que je lisais, l'orgue qu'on a dans notre église à nous, bon, je vous disais 1942, je lisais que c'est un orgue qui avait été créé par les Casavants, puis c'est un instrument qui est écrit modeste, puisqu'il ne compte que 219 tuyaux. Donc, évidemment, c'est quoi un orgue? Un orgue, c'est un instrument à vent, c'est ça la différence avec le piano. Plus tu mets de genre de pipe, là, plus tu peux jouer des gammes différentes. Puis tu peux avoir plusieurs claviers. Celui de mon église, il y a 2 claviers plus un set de pédales par terre. Donc tu peux jouer aussi avec les pédales. Il y en a beaucoup, beaucoup. Là, évidemment, moi, je ne sais pas jouer de l'orgue, mais je suis allé pour jouer sur le clavier. L'orgue qu'il y a dans notre église à nous, ils disent qu'ils l'ont payé 1 400 $ à ce moment-là, en 1942. Puis il est décrit comme ça, il occupe un espace de 7 pieds de largeur, 2,5 pieds de profondeur et 3,5 pieds pour la largeur du pédalier et du banc de l'organiste. Il n'a que 3 jeux unifiés, il a possibilité pour 22 tirages, ce qui donne beaucoup de variété dans les sons. Bon, les tirages, c'est des choses que tu tires pour changer le son, évidemment. Mais là, le jeune homme, il connaît pas ça plus que moi, mais il m'a montré, gars, il dit « pèse là-dessus », puis là, il m'a mis des sons pour que ça sonne beau. Fait que là, j'ai commencé à jouer sur le clavier du haut au départ, j'ai joué la chanson que je connais, puis que je voulais essayer à l'orgue. Puis après ça, il dit « Ah, tu peux essayer le 2e clavier », puis là, il a pèsé sur d'autres boutons, puis là, ça sonnait. Là, ça sonnait dans l'église, là, ça sonnait fort, ça sonnait beau. Puis je me suis enregistré. Ça dure 1 minute ou 2. Là. Je vous fais écouter quand j'ai joué là, tantôt dans l'église. On écoute. Thank you. Voilà, j'étais bien énervé quand j'étais allé jouer sur l'autre. J'étais bien content, en fait. C'était quoi la chanson que j'ai dit « Près de toi » tantôt? Ben, en tout cas, j'ai pas dit le bon nom. C'est la chanson « Plutôt » d'Alexandra Streliski. Je suis en train de l'apprendre en ce moment. Là, mes cours de piano l'été, c'est arrêté, donc je pratique pas beaucoup. Mais bon, ça va recommencer en même temps que les classes à l'automne. Donc, de retour au piano cet automne. Bon, on est proche de terminer ce Lobster. On va terminer avec, pas un quiz, mais un genre de... J'ai trouvé une page qui parlait sur laquelle il y a plusieurs classements. Bon, c'est quoi le pays le plus instruit? C'est quoi où est-ce qu'il y a le plus de lacs? Ce genre d'affaires-là. Bon, puis je trouvais ça intéressant. Sur cette page-là, il y en a 27, mais on va en regarder quelques-uns. Par exemple, il disait « Pays le plus instruit », il disait « C'est le Canada qui occupe facilement la première place en tant que pays le plus instruit au monde, avec 50% de la population qui reçoit une éducation au-delà du niveau secondaire. » Mais ça, bon, c'est des choses standards. Mais si on regarde les choses le plus fun, bon, la nation la plus diversifiée sur le plan linguistique. Ils disent la Papouasie-Nouvelle-Guinée est le pays où l'on parle le plus de langues au monde. L'anglais est reconnu comme la langue officielle, mais seulement 2% du pays la parle. Puis ils disent les habitants de Papouasie, ils parlent plus de 820 langues, soit 12% du total mondial de langues qui existent. Quand même. Ensuite, pays où le surpoids est le plus élevé. La petite île de Nauru détient le titre de pays où le surpoids est le plus élevé au monde. Avec plus de 95% de sa population en surpoids, cette île du Pacifique central a probablement acquis ce titre grâce à l'importation de produits alimentaires occidentaux qui a coïncidé avec l'augmentation du niveau de vie grâce à l'augmentation des exportations de phosphate. Donc, ils ont trouvé du phosphate sur leurs îles, puis là, ils exportent ça, puis là, ils sont tous riches, puis là, ils amènent de la bouffe pas bonne, puis ils sont rendus un peu gras. Voilà! Il y a 95% qui est en surpoids. C'est beaucoup. Une bouffée d'air frais. Le pays qui produit le plus d'oxygène, c'est qui? Ben, c'est la Russie, parce qu'il y a environ 25% des forêts du monde qui se trouvent en Sibérie, ce qui fait de la Russie le plus grand convertisseur de dioxyde de carbone en oxygène respirable de tous les pays. Le pays le moins paisible, c'est qui? Moi, j'aurais cru le Mexique, il me semble qu'il y a plus que 7 meurtres par jour, mais non, c'est pas là. Le pays le moins paisible. Bien que l'Irak ait été en tête de ce classement ces dernières années, la Somalie l'a récemment dépassé comme le pays le moins pacifique du monde. Le pays est connu pour ses nombreuses guerres, la plupart causées par le manque de nourriture ou d'argent. Donc, on va pas en vacances en Somalie. Le pays des moins libres. Les États-Unis sont peut-être connus comme le pays de la liberté, mais ils comptent aussi le plus grand nombre de citoyens emprisonnés au monde. Les États-Unis abritent 5% de la population mondiale, mais 25% de la population carcérale mondiale. Ah, quand même. Population la plus jeune, le Niger est le pays qui compte la plus grande proportion de population âgée de moins de 15 ans. Environ la moitié de la population du pays n'a pas atteint la puberté. Wow! La plupart des lacs, le Canada, bon, c'est nous, qui a le plus de lacs. Le Canada est le pays qui compte le plus de lacs au monde avec plus de 3 millions de lacs. Plus de 60% des lacs du monde se trouvent au Canada et l'eau douce représente environ 9% de l'ensemble du territoire canadien. Ah, ça c'est le fun. Le ratio mouton-humain le plus fou. Les îles Malouines, qui appartiennent au Royaume-Uni, abritent environ 3 000 habitants et 500 000 de moutons. Ça fait beaucoup de moutons par personne. Ils disent que la laine est bien sûr la principale exportation. C'est aussi l'un des seuls endroits au monde où l'on peut voir des moutons et des pingouins en même temps. La plupart des déserts, c'est quoi ça? La Libye est le pays le plus désertique du monde. Le désert occupe 99% de son territoire, ce qui en fait l'un des endroits les plus arides du monde. Il n'est pas rare que certaines régions du pays passent des décennies sans une seule goutte de pluie. Bon, l'autre titre, presque l'océan. Le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer sont une source d'inquiétude partout dans le monde, mais c'est aux Maldives que cela se produit le plus. Ils disent que c'est là que, ils disent le pays des Maldives, c'est, il est seulement 1,8 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui veut dire qu'il va être le premier à disparaître avec la montée de l'océan. Bon, oui. Bon, le pays où que la plupart des citoyens vivent à l'étranger. Ils disent Malte a connu des difficultés économiques qui n'ont pas aidé par une hausse du taux de natalité. Cette situation a poussé de nombreux citoyens à émigrer ailleurs. Aujourd'hui, le nombre de citoyens maltais vivant à l'étranger est supérieur à celui qui vit dans le pays. Bon, il y a plus de monde qui ont sacré le camp que ceux qui vivent sur place. Bon, pays le moins religieux, bon, ils disent c'est quoi? L'Estonie, 14%, on dit qu'il était religieux. Bon, c'est pas intéressant. Le pays le plus en retard. En termes de temps, l'Éthiopie a plusieurs années de retard sur le reste du monde, étant donné, bon, que ce pays religieux est fortement influencé par l'Église, Il adhère toujours au calendrier traditionnel de cette Église qui a 7 ans de retard sur le reste du monde. Lorsque le christianisme a changé la date à laquelle on croyait que Jésus était né au 15e siècle, les chefs religieux éthiopiens ont pris la décision de continuer à reconnaître la date d'origine. Oh! Ils sont pas en retard économiquement ou ils sont en retard en termes de temps pour vrai. Plusieurs années de retard dans le calendrier, ça va bien. Le moins d'arbres, la place où il y a le moins d'arbres, Haïti est le pays qui compte le moins d'arbres au monde. La déforestation est telle que dans ce pays, il est impossible de déterminer sa frontière avec la République dominicaine à partir d'une image satellite en remarquant les premiers... OK. Ils ont tellement enlevé les arbres en Haïti qu'on peut voir de l'espace la délimitation. En République dominicaine, eux autres, il y a des arbres puis sur la frontière. Puis de l'autre côté, il n'y a plus rien, c'est désertique à pied aride. Ouais, quand même. Le pays qui croit le plus aux elfes. L'Islande remporte ce titre. Une étude récente a révélé que 37% des Islandais pensent que les elfes existent peut-être. Il y en a 17% qui pensent qu'ils existent probablement et 8% disent qu'ils existent très certainement. Cette croyance est si forte qu'une entreprise islandaise a changé ses plans de construction d'une nouvelle route parce qu'elle prétendait que des elfes vivaient sur le chemin prévu. Le plus grand producteur de fausses dents, bon, qui produit des dentiers, étrangement, c'est le petit pays du Liechtenstein qui détient cet honneur. Bien qu'il ne compte pas, il n'y a même pas 40 000 habitants, ils ont fabriqué 60 millions de prothèses dentaires en 2010, soit un cinquième de toutes les prothèses dentaires dans le monde. Plus grande production d'opium, bon... C'est l'Afghanistan, c'est pas intéressant. Nom de domaine le plus lucratif. Ah, c'est une affaire d'internet. Tuvalu, un pays insulaire polynésien, n'est probablement pas celui qui vient à l'esprit lorsqu'on pense aux nations les plus expertes en matière d'internet, mais son code pays lui a permis d'avoir le nom de domaine le plus lucratif de tout le pays. Tuvalu a reçu 50 millions de dollars pour les droits sur son nom de domaine .tv. Ah, OK. Quand même. Bon, oui, c'est sûr, il y a plein de compagnies qui veulent avoir un nom de domaine qui finit par .tv. Fait que là, il y a quelqu'un qui a payé 50 millions pour gérer ça. OK. Le pays le moins densément peuplé, avec seulement 4 habitants par kilomètre carré, la Mongolie est le pays le moins densément peuplé. Où est-ce qu'il y a le moins de rivières? Bon, c'est l'Arabie Saoudite est le pays qui possède le moins de rivières au monde, car elle ne possède aucun cours d'eau. Le pays doit donc puiser son eau douce dans des réservoirs souterrains. Voilà, c'était un petit... c'était quand même intéressant. On va finir là-dessus, on va finir en musique. Ah oui, c'est quoi que j'ai écouté? J'ai fait Shazam sur plusieurs chansons cette semaine. J'écoutais, ça s'appelle sur Netflix, le Décalogue. Décadologue? Attends, faudrait que j'aille le voir, là. Ben non, je l'ai enlevé en plus, mais j'ai fini d'écouter. Attends, j'ai tout le temps Netflix, si je clique dessus. Je l'ai-tu encore dans ma liste? Trouver. Tata. Meilleur choix pour vous. Ça... Non. Ok, je le trouve pas. Mais je pense que ça s'appelle le Décadologue. C'est l'histoire. des années 1400 quelque chose. Ça se passe au temps médiévaux. Il y a la peste est pognée dans une ville ou dans un pays. Puis là, il y a une gang de nobles qui décident d'aller habiter dans un château puis de s'isoler. Puis c'est une comédie satirique. Il y a 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes. C'est quand même assez intéressant, mais j'ai failli arrêter rendu à l'épisode 6 parce que là, il y a comme des bandits qui arrivent. Puis là, ça devenait un petit peu plus dramatique. Puis ça m'intéressait moins. Puis finalement, j'ai persévéré. Puis ça redevient bon tout de suite après cet épisode-là. Puis je me suis rendu à la fin du 8e épisode hier soir. Donc, j'ai fait plusieurs Shazam en écoutant ça parce qu'ils mettent de la musique un peu pop et un peu que je connaissais, ben certaines que je connaissais pas, mais qui sont vraiment bonnes. Donc, on va terminer avec les musiques de ce spectacle, de ce show-là là, sur Netflix. Donc voilà, donne bonne fin de Lobster 150 et on se revoit bientôt. Bye bye! And all the more. La peste est partout à Florence. Ces quelques semaines à la campagne vous seront très bénéfiques. Bienvenue. Bien le bonjour, chers amis. Bienvenue à la Villa Santa. On est ici pour manger, boire et avancer vers un avenir prometteur. Auriez-vous vidé un poisson, madame? Vous en avez sur le visage. Ah bon? Oh! J'ai des pensées impures depuis quelque temps. Qu'est devenu l'humilité? Si je puis me permettre, vous avez des courbes délicieuses, ma chère. Je suis plus dodue que ma robe ne le laisse entendre. Hé, con, du vin? Qu'avez-vous dit? Encore du vin? Sachant ce que je sais sur vous... Vous me menacez? Je vous préviens. Voilà bien embêté. En effet, j'exige que tout le monde fasse preuve d'une certaine courtoisie. C'est ce qui nous différencie des bêtes sauvages. Mais tout le monde y laisse la vie. Dansons pendant que nous sommes encore en vie. Vous allez maintenant voir mon corps en pleine action. J'ai volé. Plus de vin. Je présume que la peste a jeté un sort sur nous tous d'une bien étrange façon. De quoi s'agit-il? Du 9e cercle de l'enfer. Taisez-vous, arrêtez de parler. La villa est fortifiée, nous avons un portail solide. Des murs infranchissables, de l'eau, de la nourriture en abondance. Je pense que nous pouvons résister pendant au moins... au moins 5 ans. Avec un peu de cannibalisme, 6 ans. Laissez-nous entrer! Ne m'obligez pas à lâcher les molasses! Allô? Ici, c'est l'intelligence artificielle. Votre animateur a vraiment mal prononcé le nom de l'émission sur Netflix dont il parlait. Donc, je vais rectifier les faits. Le nom de l'émission est Le Décaméron. Merci. Je vous laisse. Il est temps de m'effacer. Pour les fortes chaleurs, rien ne vaut mon incroyable ventisaucisse. Et là, vous allez me dire, un ventisaucisse? Fabien, ça devient grave, tu vois des saucisses, même là où il n'y en a pas. Va prendre tes cachets, tu fais des chipolatas hallucinations ou quoi? T'es vraiment un goliot. Bon déjà, c'est pas très gentil toute cette agressivité quand même. Et puis hop, tu voulais des saucisses, pim pam poum, voilà des saucisses. Le ventisaucisse, ça peut te servir de ventilateur et de parfum d'ambiance pour créer une atmosphère saucisse au cœur de ton salon. En plus, c'est éco-responsable, puisqu'après utilisation, tu peux toujours manger les saucisses. Je tiens à faire une petite annonce. Alors, le 15 avril prochain, à 15h, 3h de l'après-midi, à l'église Saint-Paul's de Knowlton, aura lieu un concert de réinauguration de l'orgue suite à l'augmentation avec un système digital. Donc, le concert sera donné par M. Jean-Willy Kunz, qui est un organiste français, gagnant du 3e prix du dernier concours international d'orgue du Canada à l'automne 2011. M105, la radio de Granby. Classique majeur, succès de l'heure. Chaque jour à M105, j'y retrouve les succès que j'aime, rien d'autre. Mes chansons préférées, mes artistes favoris et toutes mes petites et grandes nouvelles. M105, 189. Besoin d'assistance routière? Appelez JJ. C'est quoi ça? Appelez JJ. JJ. Ah! J'ai laissé les clés dans l'auto. OK, j'appelle remorquage JJ. Or, nous nous retrouvons maintenant, par la magie des ondes, à l'église anglicane St. George's de Granby. L'église actuelle a été construite en 1908 dans le style collegiate anglais. C'est la deuxième église de la paroisse. Un fait intéressant, à l'intérieur de l'église, il y a une sculpture qui est sur le couvercle des fonts baptismaux qui date du 12e siècle. Elle a été retirée de l'église All Saints de Granby en Angleterre et donnée à la paroisse St. George's de Granby, Québec, en septembre 1908. Maintenant, je vais vous faire découvrir l'orgue de St. George's, qui est l'opus 759 de Casavant, en vous interprétant la suite de ce que j'ai interprété à St. Paul's, donc toccate et fugue en ré mineur de Bach. Alors maintenant, je vous interprète la fugue. Thank you. Alors, l'orgue de l'église Saint-Georges a une construction plus classique que l'église, celui de l'église Saint-Paul. C'est un orgue qui a été construit en 1918. L'orgue à St. George's comporte 19 jeux. Si on compare avec St. Paul's, qui a 10 jeux, donc c'est un orgue qui est, on peut dire, à peu près le double de la taille, même si on ne peut pas vraiment comparer de cette façon-là. Alors maintenant, nous allons nous transporter à l'orgue de l'église St. Luke's Anglican de Waterloo. L'église actuelle est en fait la deuxième église de la paroisse. Cette église a été ouverte au culte en 1870. Je vais maintenant vous faire entendre l'orgue Casavant de l'église Saint-Luke's avec une première pièce qui est une transcription du choral « Jésus, que ma joie demeure » de la cantate 147 de Jean-Sébastien Bach. L'orgue de l'église Saint-Luke, c'est un instrument de 8 jeux. En fait, c'est un instrument qui a été reconstruit en 1918. Bon, malheureusement, je n'ai pas l'année de construction. À l'intérieur de l'orgue existe encore la soufflerie, la pompe manuelle qui était actionnée auparavant. Elle est toujours en place et elle est toujours fonctionnelle. Alors maintenant, je vais vous interpréter une deuxième pièce qui est le petit prélude et fugue en si bémol de Jean-Sébastien Bach.